J'aime ta grand-mère. Ben oui, chanson des trois accords, parce qu'aujourd'hui, les grand-mères, sont à l'honneur au pays. Aujourd'hui, en ce 7 février, c'est la journée nationale de la petite laine, imaginez. Et on va en discuter avec Patrick Dion. Il est auteur, chroniqueur et rédacteur de l'émission Cliquez à TV5. Bonjour, Patrick. Salut. Alors, qu'est-ce que cette journée nationale de la petite laine? Ben, pour commencer, je dirais que malgré tous les efforts qu'on fait, le niveau de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente d'année en année. D'ailleurs, en 2011, on a établi un nouveau record. C'est pas le genre de record que t'aimes avoir, mais on a établi les niveaux ont atteint des sommets en 2011. Et malgré le fait que la population canadienne représente un demi de 1% de la population mondiale, on représente au niveau des émissions de gaz à effet de serre 2% du total des émissions mondiales. Bravo. En tout cas, c'est on pas un beau. C'est ça, exactement. On se donnera pas des tapes dans le dos. Donc, pour conscientiser la population, le World Wildlife Fund, le WWF, qui est pas la gang de la lutte, mais le World Wildlife Fund, qui se préoccupe d'environnement, et la chaîne Noblaz, ils ont lancé l'année passée la journée de la petite laine. Donc, c'est aujourd'hui la deuxième édition de la journée de la petite laine. Et c'est quoi ça? Bon, la journée de la petite laine, c'est une journée où des grands-mères peuvent t'appeler sur ton téléphone cellulaire, à la maison, qui peuvent t'envoyer un texto ou un courriel pour te conscientiser à mettre un chandail de plus et à baisser ton chauffage à la maison. Parce que au Canada, si on baissait chacun la température de 2 degrés Celsius en hiver, ça permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4 mégatonnes. 4 mégatonnes, c'est quoi? C'est l'équivalent de 2 fois les émissions totales de l'île du Prince-Édouard. Ah oui. Ce qui est quand même pas pire, mettons. Quand même. Ça serait bon pour nos patates, mettons. Donc, le site en tant que tel, il est vraiment très, très drôle. On peut réserver une grand-mère qui va nous appeler aujourd'hui. Je sais, c'est peut-être dernière minute. Moi, je prendrais une chance. C'est quand même, vu que ça se passe dans la journée, je prendrais une chance quand même. Moi, j'ai envoyé mon courriel parce que je suis un petit peu gêné. Bon, en fait, j'avais peut-être pas nécessairement envie de parler à une grand-mère non plus. Je n'aurais occupé. Ah, laisse pas tomber nos aînés, Patrick. Ouais, je sais, je fais. Puis moi, est-ce qu'on kiffe? Appelez-moi pour fait me chicaner. Part, c'est ça. Voilà. Donc, mais ce qui est drôle, c'est que malgré que le site soit en français, ben, on a le choix d'une multitude de grand-mères. Et malgré que le site a été adapté en français, eh bien, il y a seulement une vraie grand-mère francophone québécoise qui peut nous téléphoner. Et il y en a une, en fait, j'aurais dû choisir. Il y en a une qui a un accent assez tranchant anglophone. Et d'ailleurs, on peut les entendre sur le site. Mm-hmm. Et quand on... Mais c'est original comme concept quand même, pour parler justement des gaz à effet de serre. Oui, je suis d'accord. J'aurais peut-être poussé justement un petit peu plus loin l'intégration francophone, mais qu'une grand-mère que je teste et qui me dit « Oh, c'est toi, Cal Surprise? » Mettons que je suis... Ben, en tout cas, ça pourrait être très, très drôle si elle m'appelait, mais bon. Ouais. Essayez-le, puis... Le site web, on va glisser les liens du site web sur notre page Facebook des Oranges Pressées. Exactement. Nouvelle web-série à surveiller sur la toile, une série qui s'appelle Coming Out. Oui, je sais pas, savais-tu que le 11 octobre, c'est la journée internationale du Coming Out? Du coming out. Ouais, je savais pas ça. Jusqu'à temps que je fasse justement ma recherche sur cette nouvelle web-série qui va sortir au mois de mars et qui s'appelle Coming Out. La série est écrite, réalisée et produite par une seule et même personne, comme souvent en web-télé, parce que, coudonc, on n'a pas d'argent. Et c'est par le comédien Mathieu Blanchard. Et ça se veut une incursion dans la vie de quelques jeunes gays montréalais. Puis, selon l'auteur, l'idée de la série est de banaliser l'homosexualité et de stopper l'habitude des gens de tout définir selon son orientation sexuelle. Bravo, c'est un beau concept. C'est assez audacieux aussi, parce qu'on parle vraiment là, de relations. On a rarement vu ça à la télé, parce qu'on va vraiment exposer les relations et on sera très ouvert là, sur les réalités homosexuelles. Ben, c'est ce qu'on dit. On dit en fait que c'est une web-série, tout ce qu'il y a de plus normal sur la vie de jeunes gays qui ont des vies comme toi et moi. Mais par contre, en regardant la bande-annonce qui a été mise en ligne cette semaine, on s'aperçoit ils ont quand même tombé dans quelques clichés, comme par exemple l'omniprésence du sexe, de la drogue, de la prostitution. On y voit une drag queen. Donc, oui, bravo pour l'initiative de peut-être de montrer une vie normale de la population gay à Montréal, mais est-ce qu'on est tombé dans des clichés aussi? Hein? C'est ce qu'on va voir quand dans la série va être semaines. En ligne. Et ça débute officiellement quand? Ça débute au mois de mars. On n'a pas de date exacte, mais on peut tout de suite savoir qu'il va y avoir 13 épisodes de 9 minutes chacun. Et on termine finalement avec, comment on prononce, Ikaweb? Ikaweb, ben, en fait, ouais, en fait, c'est un projet qui s'appelle Pitch-moi ça. Je sais pas si vous en souvenez, à l'automne dernier, j'avais parlé du portail Ikaweb qui créait une plateforme de sociofinancement pour des séries, des projets audiovisuels pour le web. Et on, justement, cette semaine, Ikaweb annonçait les projets. Il y en a vraiment tous les genres. Il y a du beaucoup de projets de fiction, c'est sûr et certain, c'est très à la mode en web-série. Il y a la deuxième saison de Les Roues, entre autres, qui fait partie des projets Tricoté Serré. Il y a un magazine culturel jeunesse, il y a un projet de court-métrage et il y a une web-série documentaire qui me tient particulièrement à cœur parce qu'elle a été lancée par nul autre que moi. C'est une bonne raison. C'est quand une même. Bonne raison. En fait, je vais vous en parler un petit peu. Ça s'appelle Musique à bouche et c'est une façon de faire découvrir à la population les musiciens du métro de la ville de Montréal, autant du côté musical que du côté de leur vie, parce que c'est des personnages colorés, parce qu'il y en a qui ont des histoires absolument fantastiques à raconter. Et on a des gens de partout dans le monde dans le métro. Là. Il y a une diversité incroyable et on s'en rend pas nécessairement compte, surtout si on prend les deux trois stations sur une ligne en particulier pour se rendre au travail, mais si on faisait vraiment le tour des stations de métro, on s'en rendrait compte. Ah on oui, puis il y a des centaines, il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, c'est drôle parce que l'idée de cette web-série-là m'est venue en croisant un vidéoclip d'un artiste qui s'appelle Scott Dunbar, qui est One Man Band, qui a été filmé au métro Mont-Royal en chantant Beat It. Mais à l'adaptant à sa sauce, c'est un gars de Vancouver, il est venu ici, il avait pas de job, il s'est ramassé au métro Mont-Royal, puis il a été filmé et son clip a été vu des millions de fois sur YouTube. C'est vraiment hallucinant, je vous conseille d'aller voir ça. On va mettre le lien parce que ça vaut vraiment la peine. Puis je me suis dit, waouh, ce gars-là, il est parti de rien, de Vancouver, il s'en vient ici à Montréal, puis aujourd'hui il est en disque, il fait des clubs, il se promène, il fait des spectacles, il a du talent, c'est incroyable. Il a appris à parler français, donc il parle français aussi. C'est je trouve qu'il y a tellement de belles histoires comme ça qui sont racontées, qui sont racontables justement par les musiciens du métro de Montréal. J'avais envie de faire une incursion là-dedans. Et là, voilà. On va aller te financer donc sur la plateforme Ikaweb. Oui, exactement. On va mettre aussi le lien en ligne. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est une OSBL. Alors, tous les dons sont peuvent donner un crédit d'impôt. Merci beaucoup, Patrick. Et je te laisse aller voir ta grand-mère. Ah, merci beaucoup. Je vais la saluer de ta part. Mets ta petite laine.